Unité 2. Activité 3. Je m'appelle Patrick. Je suis français. J'aime écouter de la musique traditionnelle marocaine. Par contre, au Maroc, je n'aime pas du tout les musées. Moi, c'est Hans. Je suis allemand. Je viens de Francfort. J'aime beaucoup le Maroc. Les gens, le thé à la menthe, mais je déteste le désert. Nous venons de Finlande. Nous adorons Tanger et Marrakech. Jürgen aime les médinas, mais moi, je n'aime pas du tout. Et je déteste acheter des souvenirs. Je m'appelle Elodie. Je viens de Suisse. J'aime beaucoup le Maroc. J'adore l'océan et la cuisine marocaine, mais je n'aime pas du tout le couscous.